Premiers amours. Sous les draps frais, Nathalie glisse son corps nu contre le mien. Elle se blottit dans mes bras et ce moment est tout aussi magique que lorsque l'instant d'avant elle se pâmait en gémissant. Il est encore tôt et nous en profitons pour nous câliner avant de songer au sommeil. Je me penche sur elle. Je connais cette expression. Quelque chose la préoccupe et elle n'ose pas m'en parler. J'adore faire ce geste. Je lui gratte le bout du nez. Puis lui tapote le front. Un souci là-dedans. Elle sourit, me fait un petit bisou. Non, juste une question. À propos de... À propos de toi. Oh, ça a l'air sérieux. Sourire plus tendre, mais ça l'est. Pour moi, tout ce qui te concerne est sérieux, puisque je t'aime. Comment ne pas fondre? Je suis prêt à tout entendre. Je t'écoute. Elle se dresse sur un coude. C'est en rapport avec ce que nous venons de faire, du moins de la manière dont nous l'avons fait. Mais promets-moi, si ça te gêne, je comprendrai et on n'en parlera plus. Diable, tu piques ma curiosité. Elle tout saute pour s'éclaircir la voix, me refait un bisou et se lance d'un trait. Ok. Tu te souviens, à Barbizon, tu avais évoqué ton amour d'enfance et ta toute première fois avec elle. Cela fait deux fois que tu me fais l'amour de cette façon et chaque fois tu as été si doux qu'en même temps que beaucoup de plaisir, ça a été une grande émotion. Te connaissant, je me suis dit que l'histoire de tes 15 ans ne pouvait pas avoir été qu'une simple histoire de découverte sexuelle. Je suis certaine que c'était aussi une belle histoire d'amour et je voudrais, si tu le veux bien, que tu me la racontes, que tu me racontes tes 15 ans. C'est une des périodes de ta vie dont tu ne parles pas beaucoup. Elle a tout débité d'un trait et s'arrête net comme essoufflée, avec sur le visage une expression disant sa crainte de m'avoir froissé ou fait de la peine d'une quelconque manière. D'avoir été trop loin. Je lui caresse tendrement la joue. Avec mon regard, cette caresse et le baiser que je lui donne, j'espère avoir fait passer tout mon amour. Je suis comme toi, Nat. Avec toi, j'éprouve le besoin d'ouvrir mon cœur pour que tu puisses voir tout ce qu'il contient. Je regarde la pendulette sur le chevet. Je crois que nous avons un peu de temps pour en parler, mais après il faudra dormir. Elle prend l'air de petite fille qui promet d'être bien sage. Je ferme les yeux un instant. Les souvenirs reviennent. Tu te souviens sans doute? Quand maman est décédée, je n'avais pas encore 13 ans. Brusquement, je me suis retrouvé sans elle après l'avoir accompagnée 2 ans dans sa maladie. Le temps est aboli, la main de Nathalie dans la mienne, je lui raconte. Mon père, qui était pour moi un inconnu, est rentré d'Indochine 48 heures avant le décès de maman. D'un seul coup, je n'ai plus été l'homme de la maison qui s'occupait d'elle, faisait à manger en rentrant de l'école et lui portait ses repas au lit. D'où elle ne devait d'ailleurs plus se relever. Ma grand-mère et mon grand-père ont tout à coup disparu de ma vie. Eux qui m'avaient élevé avec maman depuis ma naissance, je ne devais plus jamais les revoir. Je ne sais pourquoi, mais sans doute pour les mêmes raisons qui ont fait qu'ils n'étaient pas à l'enterrement de maman. Oui, parce que c'est incroyable que ça puisse paraître, ils n'étaient pas à l'enterrement de leur fille. En dehors de mes professeurs, des élèves de ma classe et des collègues officiers de mon père, il n'y avait personne. Ni de la famille de mon grand-père, ni de celle de ma grand-mère. Je sais que mon père ne les aimait pas beaucoup, mais je n'ai jamais pu savoir pourquoi mes grands-parents n'étaient pas là, ce jour-là. Nous sommes partis pour la France sans que je les aie revus, et je n'appris leur décès que fortuitement, bien des années après. Mon grand-père est décédé en 1960 à Draguignan, où mon oncle l'avait rapatrié, mais ma grand-mère est morte en 1958 alors que nous étions encore en Tunisie. Je n'en ai rien su. Même pas où et quand elle a été enterrée. Je m'interromps un instant pour davantage me concentrer et rassembler mes souvenirs. Ma main me fait mal, et tout à coup je prends conscience que c'est Nathalie qui me serre les doigts à les broyer. Son visage est inondé de larmes. Elle n'est que pure souffrance. Elle sanglote. Mon Dieu, j'étais si loin, et je ne me suis pas rendu compte que je déversais toute ma souffrance sur elle. Je la serre contre moi, la berce doucement. Pardon, mon ange. Pardon, je n'aurais pas dû. J'aurais dû me taire. Elle s'essuie les yeux et le visage avec un coin du drap. Entre deux sanglots, elle parvient à me dire « Seigneur Jésus, pourquoi tant de cruauté? On ne fait pas ça à un enfant, à ses enfants. » J'essuie mes yeux à mon tour. C'est le même homme qui disait « Il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens malheureux. » Je prends le menton de Nat et le relève pour l'embrasser. Ce n'est pas un baiser glamour. Elle a des larmes plein les yeux et son nez coule. C'est un baiser d'amour. Elle balbutie. Merci de m'ouvrir ton cœur. Mais pourquoi me raconter ça maintenant, alors que je m'attendais à ce que tu me parles de ton premier amour? Parce que les deux sont liés. Je n'aurais pas pu aimer Colette comme je l'ai aimée si auparavant je n'avais pas vécu ça. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Ne sois pas désolé. J'ai mal, mais je suis heureuse d'avoir pu prendre une partie de ta souffrance. Je la serre contre moi et la berce tendrement. Doucement, je l'allonge et viens tout contre elle. Elle niche sa tête au creux de mon épaule. Continue, John, continue, s'il te plaît. Tout est là maintenant, comme si je le vivais encore. Maman est morte un soir de mai en 1955. J'ai dû supporter ce père mutique qui n'ouvrait la bouche que pour crier sur moi sous n'importe quel prétexte, alors même qu'il encensait ma sœur de 3 ans, ma cadette. Elle ressemblait tant à maman. Ne supportant plus cette vie, le mois suivant, j'ai demandé à entrer comme interne dans une école militaire en France. J'ai réussi l'examen et en octobre 1955, je suis parti loin de toute cette souffrance, mais j'avais atterri en enfer. Jamais je n'ai eu autant froid et faim. C'est pendant les vacances de Pâques que mon père s'est tout de même rendu compte qu'il fallait réagir. Je me souviens, j'étais à 10 kilos en dessous du poids moyen d'un ado de mon âge. Il a dû passer quelques coups de téléphone car après les vacances de Pâques, le jour même de mon retour à l'école pour les derniers trimestres, j'étais placé en régime de suralimentation. Fin juin, j'étais de retour en Tunisie pour apprendre que mon père me retirait de cette école et que nous allions déménager. Mon père allait se remarier pendant l'été et nous allions habiter chez notre belle-mère. Mon père est effectivement parti 15 jours en France pour se marier. Ma sœur et moi sommes restés en Tunisie chez ma marraine. J'entends Nathalie renifler dans mon cou. Elle murmure. Pourquoi? Je caresse son dos. Elle, si souple d'ordinaire, est tendue comme une corde à violon. Je suis certain qu'il pensait agir pour le mieux, mais il était traumatisé par 10 ans de guerre et totalement rongé par ses démons. Il l'a compris plus tard, bien plus tard. Et on a été profondément malheureux, mais il était trop tard. Voilà dans quelles conditions, en octobre 1956, je suis entré en classe de 3e dans ce lycée où ma belle-mère enseignait comme prof de philo. Nathalie redresse un peu sa tête qui reposait sur mon épaule. Et c'est là que tu as rencontré ton amoureuse? Pas tout de suite. On a fait connaissance peu de temps après mon 15e anniversaire. Elle était jolie. Moi, je l'ai trouvée jolie. Jolie et douce. Beaucoup se moquaient d'elle car elle avait un léger strabisme. Ils l'appelaient Zbiglin. Zbiglin? Oui, c'est du patois sicilien et peut-être même de l'argot. Ça veut dire celle qui louche. Elle s'appelait Colette. Elle était sicilienne? Non, elle était juive. Je marque une pause. Colette est là avec nous, et Nathalie l'a prise dans ses bras. Elle était le souffre-douleur de la plupart des filles et totalement ignorée des garçons, qui se contentaient de la charrier de temps à autre. J'étais celui qui ne parlait jamais aux autres. Elle était celle qui louchait. On a fini par se retrouver sur le même banc au fond de la classe. La première fois où elle est venue s'asseoir à côté de moi, j'ai trouvé qu'elle sentait bon. Elle sentait le frais, la lavande, et spontanément je lui ai dit « Tu sens bon ?» Elle est devenue toute rouge et m'a dit « Merci, c'est gentil. » Nathalie se redresse sur un coude. Je tourne la tête vers elle. Ses yeux sont toujours si brillants, mais les grands nuages noirs du chagrin ne sont plus là. Elle me dit « Oh John, je suis contente. » Je ne sais pourquoi je pousse un gros soupir. À partir de ce jour-là, on s'est retrouvés tous les jours à la même place. Je me souviens que je n'aimais pas les jeudis et les dimanches. J'avais hâte qu'une nouvelle semaine recommence pour aller de nouveau m'asseoir à côté d'elle et respirer son odeur. Un peu avant Noël, elle avait été interrogée et comme elle séchait, je lui ai soufflé la réponse. Lorsqu'elle s'est rassise, elle m'a pris la main et ne l'a plus lâchée de tout le cours. À la récréation, elle m'a demandé si l'on pouvait se voir pendant les vacances. Je lui ai répondu que j'en serais très heureux, mais que je ne savais pas trop où l'on pouvait se retrouver. C'est elle qui m'indiquait une cabane de berger en pierre sèche dans les collines. Une cabane abandonnée où personne ne venait jamais et qui allait devenir notre nid. Nathalie s'assit en tailleur à côté de moi. Elle me prend les mains. « Tu vois, là, John, je suis en train de prier. Je remercie Dieu qu'il ait permis que vous vous rencontriez. Un peu de douceur après tant de souffrances. Seigneur Jésus, merci. » Ses grands yeux bleus me fixent avec tendresse. Elle embrasse mes mains. « Continue, John, raconte-moi l'histoire des enfants du ciel dans leur nid sur les collines. » Sa joie contraste avec la tristesse de tout à l'heure. Je poursuis. La première fois où on s'est retrouvés là-haut, on s'est glissé à 4 pattes par la petite ouverture. Cette cabane était comme un igloo de pierre avec une porte minuscule et juste un trou dans le toit pour l'aération. Il y avait un peu de paille, Elle avait amené une petite couverture dans son sac de sport. On s'est allongé sur le dos sans dire un mot, et on est resté là pendant plus d'une heure sans rien faire d'autre que de se tenir la main. On était bien. C'était la première fois que j'étais heureux depuis longtemps. Elle sentait toujours aussi bon et avant de partir, je le lui ai dit. Elle m'a souri, elle m'a dit « Je suis contente. C'était bien. Est-ce que tu veux revenir demain ?» Nathalie a du mal à contenir son émotion. La main devant la bouche, elle ne dit rien. Il y a tant d'amour dans ses yeux. Je lui ai répondu « Oui, et tous les autres jours des vacances, si tu veux. » C'est là qu'elle m'a embrassé, sur la joue. Elle a dit « Je t'aime bien, tu sais. Tu es tellement gentil. Tu n'es pas comme les autres. » Le lendemain était comme la veille, sauf qu'on a un peu parlé de ce qu'on ferait plus tard. Je me rappelle qu'elle voulait voyager. Moi, je lui ai dit que je voulais être archéologue. Elle m'a répondu « C'est normal, tu es très fort en histoire. » On se tenait toujours la main, et on était un peu plus serrés l'un contre l'autre. Nathalie, la main devant la bouche, ses yeux au fond des miens, se balance doucement d'avant en arrière. Elle n'y tient plus. C'est l'histoire qu'on devrait raconter aux enfants du catéchisme au lieu des sornettes sur le péché de la chair. Ces abrutis de curés n'ont même pas conscience qu'en parlant ainsi, ils commettent un péché contre la vie. Son ton passionné m'arrache un sourire. « Attends, la suite est peut-être moins sage. » Sa réplique est immédiate, ses yeux brillent. « Mais j'espère bien. Raconte-moi. » Je la taquine. « Tu préfères avec ou sans les détails ?» Elle met les deux poings sur les hanches. « John Rin, vous êtes un monstre. »« Pardon, je continue. » Lorsqu'on s'est quitté, on s'est embrassé comme la veille, sauf que là, elle a légèrement tourné la tête et que mon bisou s'est posé au coin de ses lèvres. J'ai rêvé de ce bisou toute la soirée et une partie de la nuit. C'est pour ça que le lendemain, la première chose que j'ai faite, ça a été de l'embrasser, mais directement sur la bouche. J'ai fermé les yeux comme j'avais vu dans les films et lorsque je les ai ouverts, elle souriait. Et ce sourire effaçait presque son strabisme. Elle était si jolie. Pour moi, c'était la plus jolie. C'était la première fille que j'embrassais. Et je sentais mon cœur gonfler comme un ballon. On s'est allongés cette fois face à face et l'un contre l'autre. Elle m'a demandé si c'était la première fois que j'embrassais une fille. Et comme je lui ai répondu oui, elle a souri et m'a demandé si elle pouvait m'embrasser. Pour toute réponse, je lui ai tendu ma bouche et j'ai fermé les yeux. J'ai mis quelques secondes à réaliser que j'étais en train de sucer sa langue qu'elle m'avait offerte en ouvrant ses lèvres. Je ne voulais plus m'arrêter, c'était elle qui m'a gentiment repoussé. Encore aujourd'hui, je serais prêt à jurer que lorsque j'ouvrais les yeux, elle ne louchait plus. Elle me souriait et elle ne louchait plus. Je crois qu'elle m'a dit « Je vois que c'est vrai. Tu n'avais jamais embrassé une fille. » Je ne sais plus trop, mais je crois que j'ai bégayé un « Non, un peu timide. » Je suis sûr qu'elle m'a répondu « Moi non plus. Enfin, je veux dire que c'est la première fois que j'embrasse un garçon. » Très attentive, Nathalie boit mes paroles. Sa réaction est immédiate. Mais alors comment savait-elle embrasser comme ça? Figure-toi que c'est ce que je lui ai demandé. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a ri. Elle m'a dit savoir comment le faire, car sa copine avait vu sa grande sœur avec son mari et lui avait tout raconté. Elle lui avait aussi raconté ce qu'ils avaient fait après s'être embrassés. Les yeux de Nathalie se plissent, elle est concentrée. Et elle t'a dit ce que son ami lui avait raconté? Non. Mais elle m'a demandé en se serrant plus fort contre moi. « Tu es déjà niqué ?» Et que lui as-tu répondu ? Je lui ai dit que non, que je savais ce que ça voulait dire, mais que je ne l'avais jamais fait et que je ne savais pas comment on faisait. Nat a un petit sourire coquin. « Je crois avoir deviné, mais je ne connaissais pas ce mot, niqué. C'est français. » Je fais comme Nathalie et m'assis en tailleur dans le grand lit face à elle. Je lui prends les mains. « Oui, c'est français, mais ce n'est pratiquement plus employé. » Quand j'étais enfant en Tunisie, ce mot était le seul utilisé pour dire « faire l'amour ». Ça vient de l'arabe, « nik », « faire l'amour » ou de « nika », « le coït ». En français ancien, il existait une expression dérivée de l'arabe et qui a pratiquement disparu. Elle désignait la pratique de l'acte sexuel en dehors du mariage. C'est « forniquer » pour l'action et la fornication pour l'acte. On en a parlé tout à l'heure. Les prêtres de l'Église catholique en avaient fait un des pires péchés que l'on peut imaginer. Froncement de sourcils et mots de Nathalie. « Ok, je ne savais pas. Aujourd'hui, je peux donc dire que je suis catholique, croyante, pratiquante et grande fornicatrice devant l'Éternel. Amen. » Cette fois, c'est à moi de rire. « Oui, tu es une adorable fornicatrice. » J'ai toujours du mal à réaliser comment, avec les hommes magnifiques qui ont été tes amants, j'ai pu entrer dans ton cœur. Ses yeux me vrillent le cœur et les reins. Peut-être parce que tu niques mieux qu'eux. Nous rions tellement qu'il nous faut une bonne minute pour récupérer. Elle m'embrasse tendrement. Je n'ai jamais eu l'indélicatesse de comparer les exploits sexuels de mes partenaires. Il y en a qui m'ont donné plus de plaisir que d'autres, mais aucun ne m'avait donné cette lumière qui accompagne chacun des orgasmes que j'ai avec toi. Puis, l'index sur les lèvres, l'air profondément absorbé par une intense réflexion, Nathalie revient à la signification de ce mot dont elle ignorait tout 5 minutes auparavant. Donc, si j'ai bien compris, au Blue Velvet, au Saphir, je me faisais niquer et tout à l'heure avec toi on a niqué. Eh bien, tu sais quoi? Dans tous les cas, j'ai aimé ça. Mais revenons à Colette. J'ai besoin de quelques secondes pour revenir au sujet. Ah oui, Colette. Elle avait l'air toute heureuse, mais je n'ai pas osé lui demander pourquoi elle m'avait parlé de ça. On a dû bien passer 1 heure à se câliner et à s'embrasser. J'ai bien vu qu'elle respirait fort et qu'elle avait les joues toutes rouges. Et je lui demandais, « Tu crois qu'on est amoureux ?» Le petit rire de Nathalie me fait chaud au cœur. « C'est trop mignon !» Je ne sais pas si c'est trop mignon, mais son sourire me fait craquer. Et je l'embrasse comme il y a 25 ans, j'ai embrassé Colette. Lorsque je lui rends ses lèvres, elle me regarde tout attendrie. Elle sait que je l'ai embrassée en pensant à Colette. C'est donc Colette qui t'a appris à embrasser. Tu as eu un excellent professeur, mais je crois que les cours pratiques ne se sont pas limités aux petits bisous et que vous avez exploré d'autres chemins. Ça aurait sans doute été le cas si le soleil n'avait pas commencé à décliner. On a dû courir pour ne pas être en retard à la maison. C'est le lendemain que s'est passée notre première fois. C'est toi qui as pris l'initiative? Non. On était en train de s'embrasser lorsque j'ai posé ma main sur ses seins, elle m'a demandé « Est-ce que tu veux bien qu'on se marie ?» Surpris, j'ai répondu « Mais on est trop jeune. » Elle s'est assise, m'a regardé et m'a pris les mains. Elle m'a dit « Bien sûr, mais on peut se marier de parole et après, quand on sera grand, on se mariera pour de vrai. Mais pour faire un mariage de parole, il faut qu'on donne sa parole de se marier pour de vrai. Et après, on nique pour faire comme un vrai mariage. C'est ma copine qui me l'a dit. Tu veux bien niquer avec moi ?» Nathalie écarquille les yeux. Elle m'embrasse les mains. Ses yeux sont un peu humides, elle est très émue. Tant d'amour et tant d'innocence. Mon Dieu, c'est merveilleux. On se croirait au matin du monde. 2 enfants qui découvrent l'amour. C'est à ça que devait ressembler le jardin d'Éden. Elle rajoute, furieuse. Et sûrement pas celui dont parlent ces foutus curés. Je la serre contre moi. Moi, je sais à quoi il ressemble. C'est à toi qu'il ressemble. « Tu es mon paradis. » Notre baiser menace de devenir dévastateur. Nathalie me repousse doucement. Si l'on continue, je ne connaîtrai jamais la suite. La tête sur l'oreiller, nos visages à quelques centimètres, je poursuis. Elle a ajouté, « Tu sais, tous les mariés font ça parce que c'est meilleur que les bisous. » En me demandant de l'indiquer pour que l'on soit marié de parole, elle me faisait simplement une déclaration d'amour. Il n'y avait aucune perversité dans cette demande qui aurait paru plus crue aux oreilles d'un adulte. Nous étions des enfants et ne connaissions pas d'autre mot pour désigner la chose. On s'aimait beaucoup, et nous croyions qu'après, nous serions toujours ensemble. Il y avait cependant un point sur lequel sa copine avait beaucoup insisté. Il ne fallait pas le faire par devant. Sinon, si le garçon avait de la semence, elle risquait d'avoir un bébé. Elle m'a dit qu'on allait donc le faire par derrière. Il ne fallait surtout pas que j'entre par devant. Elle a enlevé sa jupe et sa culotte. Ce n'était pas très glamour, ni érotique. Mais je ne savais pas non plus ce que ces mots voulaient dire. En tout cas, c'était la première fois que je voyais un sexe de fille, et lorsqu'elle m'a aidé à enlever mon pantalon et mon slip, on s'est regardé l'un l'autre tout étonné de découvrir ce que ni l'un ni l'autre n'avait jamais vu. On a été surpris. Je me souviens, nous n'avions presque aucun poil, juste un premier duvet. C'est elle qui la première a avancé sa main. Et lorsqu'elle m'a touché, je suis devenu tout dur. Elle m'a dit, « Tu as vu, tu as 2 boules. Ça fait pas mal quand je les touche comme ça ?» Je lui ai répondu qu'au contraire, ça faisait du bien, et je l'ai touché à mon tour. Elle a guidé ma main et m'a montré comment il fallait faire. Nathalie m'écoute presque religieusement. Elle a mis ses 2 mains sur sa bouche. Ses yeux brillent, son regard est si doux. Elle est très émue. Puis elle avance ses mains en coupe et prend mon visage qu'elle caresse doucement entre ses doigts. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour vous imaginer. Je vous vois, vous êtes si beau. J'ai la gorge serrée par l'émotion du souvenir. Et toi, tu es si belle et je t'aime tant. Je continue mon récit. Elle s'est tournée et m'a présenté ses fesses. Mais là, moi, en haut, pas en bas. Elle m'a guidé et s'est entrée tout seule. Il faut dire aussi que je n'avais pas terminé ma croissance, et ce, à tous les niveaux. Petit rire de Nathalie dont la main vérifie que j'ai grandi depuis. Tu devais être si mignon. Je ne sais pas si j'étais mignon, Mais ce que je sais, c'est que si tu insistes, je vais avoir du mal à continuer. » La main de Nathalie se retire précipitamment. Elle a de toute évidence très envie d'entendre la suite. Je reprends donc. Je n'avais jamais fait ça. Mais quand je suis entré, la sensation a été si agréable que d'instinct mes reins se sont mis tout seuls en mouvement. Ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que je n'aurais plus jamais voulu ressortir tellement c'était bon. Sourire attendri de Nathalie. Encore tout imprégné de mes souvenirs, je marque une pause. C'est une petite tape de natte sur mon anatomie qui me ramène au présent. On dirait que je te fais encore de l'effet. Confus, je constate que je suis pour le moins indécent. Désolé, ce n'est pas contrôlable. Nathalie rit de bon cœur. Ne sois pas désolé, tu es très beau et... C'est une très jolie première fois. Mon demi-sourire l'intrigue. Quoi, tu ne l'as pas vécu comme ça? Si, sauf que ce n'était pas fini. Regard étonné de Nathalie, vous avez recommencé? Oui, mais cette fois c'était plus facile, et ça a duré plus longtemps. Je me rappelle qu'elle gémissait et que j'ai eu peur de lui faire mal. Elle m'a dit, ne t'arrête pas. Après, on s'est rhabillés, et l'on est resté l'un contre l'autre. On s'est embrassé longtemps, et elle m'a dit, maintenant tu es mon mari de parole, et je suis ta femme de parole. Quand on sera grand, on pourra se marier pour de vrai. Et là, tu pourras me niquer par devant pour qu'on puisse avoir plein de bébés. 6 mois après, elle est partie avec ses parents. Toute la famille est rentrée en France et je ne l'ai plus jamais revue. Mais pendant ces 6 mois, on s'est retrouvés toutes les semaines, et chaque jour, pendant les vacances, et chaque fois, on a refait l'amour, et chaque fois, ça a été le même éblouissement. Aujourd'hui, elle est sans doute mariée, et tout comme moi des enfants, mais je ne sais pas si elle a la chance de pouvoir raconter cette histoire à son mari, comme je peux le faire avec toi. Je me tais. Nathalie a les larmes aux yeux. Elle est si sensible qu'elle a vécu chaque seconde de mon récit, de mon histoire avec Colette l'amoureuse de mes 15 ans. J'embrasse doucement ses paupières, elle dit. C'est une merveilleuse histoire. Garde-la toujours précieusement au fond de ton cœur. Un regard à la pendulette sur le chevet. Mon Dieu, il est tard. Il faut que nous dormions, sinon c'est la peine d'oreiller demain matin. Mais au lieu d'éteindre la lumière et de venir se blottir contre moi, elle saute du lit et s'agenouille, les mains jointes devant son visage, elle prie. « Ahirnatia, groma agatasta holdes, groma gatasta grasta, banikolt agasjon agasandra. Amen. » Un rapide signe de croix sur sa poitrine nue. Elle remonte dans le lit et tend la main vers la lampe. D'un geste, j'intercepte son poignet. Ébahi, je demande. « Nat, qu'est-ce que tu viens de faire? Juste une prière pour Colette et pour toi? Peux-tu me la traduire ? » Elle éteint la lumière, vient se blottir contre moi et murmure à mon oreille. J'ai dit à peu près ceci. « Seigneur mon Dieu, merci pour vos bienfaits. Merci pour votre grâce. Bénissez Colette et John et leur amour. Amen. » Elle m'embrasse tendrement, se retourne, plaque ses fesses contre mon ventre. « Est-ce que tu peux venir en moi ? Je voudrais m'endormir comme ça. » Comme Colette, 25 ans plus tôt, j'entre en elle, mais impossible de nous endormir. C'est elle qui bouge la première. Et je ne résiste pas. À l'exception de la soirée chez Astier, la journée du lendemain est identique à la précédente, sauf qu'après la répétition des showgirls, Nathalie m'annonce qu'elle sera coincée avec François et Sylvie une partie de la soirée sur des calculs délicats. Avec une grimace désolée, elle me prévient de ne pas l'attendre. Ils se font livrer les sandwichs par le club. Je leur laisse donc le patrol et me fais déposer par Bertrand, non sans passer au club récupérer un encas pour mon dîner. Mon casse-croûte vite expédié, je m'attarde un moment sous la douche. Un t-shirt, un jean. Un disque de musique country est resté sur le changeur. Je sélectionne le mode repeat et m'allonge sur le canapé du séjour, bercé par le son triste d'une guitare et d'une voix grave qui chante le mal du pays d'un cow-boy solitaire. J'aurais voulu rester avec Nat, mais j'ai craint de la distraire dans son travail et d'attirer inutilement l'attention sur nous. Je l'imagine penché sur ses cartes, mettant en équation les relevés de la matinée pour les distribuer à Sylvie et François, en se réservant les calculs les plus complexes. Aux images de mon imagination viennent se superposer des flashs de notre séjour à Miami. Je revois Nathalie nue sur la plage, s'étirant, superbe et dorée dans le soleil couchant. Puis les images défilent rapidement, se télescopent de façon incohérente. Il me semble avoir un début d'érection lorsque je m'endors. Un frôlement dans mes cheveux, je sursaute et Nathalie pousse un petit cri. « Pardon, j'aurais dû te laisser dormir. » Je dois écarquiller les yeux comme un hibou. « Non, non, tu as bien fait. Quelle heure est-il ? 22h30. Ça a été plus rapide que je ne le pensais. Avec François et Sylvie, on fait une sacrée bonne équipe. Mais c'est grâce à Sylvie qu'on s'en est sorti si vite. Il est sacrément doué. On peut se demander ce qu'une fille de son niveau fait comme chef de labo dans une sucrerie au fin fond de l'Afrique. Je suis moi-même un peu surpris. Je savais qu'elle était variante, mais à ce point, Nathalie s'exclame. À un point tel que François et moi étions partis sur un raisonnement qui conduisait à une impasse. Elle a immédiatement détecté le problème et l'a résolu en moins d'un quart d'heure. Elle se gratte la tête, pensive. En tout cas, je sais une chose, c'est que la NASA donnera n'importe quoi pour récupérer une mathématicienne de ce niveau. Je suis certaine qu'elle devrait pouvoir y gagner 10 fois ce que le CNRS lui propose. Je le lui ai dit, mais elle s'est contentée de sourire en me remerciant. Elle m'a répondu qu'elle préférait vivre dans la région de son enfance, avec l'amour de sa vie. Elle se penche pour m'embrasser, comme je la comprends. Puis met le nez dans mes cheveux. Tu sens bon. Je file me doucher. Une caresse sur ma joue et elle disparaît, tandis que je me lève pour nous préparer un rooibos. La créature de rêve, qui réapparaît une demi-heure plus tard, est drapée dans le peignoir de satin bleu qu'elle portait le lendemain de notre folle nuit avec Gabriel. Chaussée de mule assortie, ses longs cheveux d'or ramenés sur son épaule gauche, elle avance au rythme de la musique rock country qui tourne en boucle sur le changeur. Elle a dégainé son sourire à fossette et sa moue ravageuse manque me faire lâcher la théière que j'étais en train de préparer. Elle ne dit pas un mot, ne me quitte pas des yeux et va s'asseoir sur le canapé ramenant ses jambes sous elle dans un geste qui découvre ses genoux et la naissance de ses cuisses. Elle sait qu'elle tient mon cœur dans sa main. Son sourire et ses yeux se font très doux. J'en sens la caresse. Je frissonne. Elle n'a ni besoin de me toucher ni de me parler pour qu'instantanément nous soyons en harmonie, dans la même vibration. Je m'assieds près d'elle. Son parfum m'enveloppe et je ne sais par quel miracle, j'arrive à la servir sans trembler, sans mettre une goutte de rooibos à côté de la tasse. Nous buvons à petites gorgées, lentement, nous mangeons déjà des yeux. Lorsqu'elle repose sa tasse, se lève, et qu'avec une infinie lenteur, ses longs doigts dénouent doucement le satin de sa ceinture, je reste immobile, figé dans l'attente de la foudre qui va me frapper. Un pas, puis deux, le peignoir s'ouvre lentement et se déploie tel des ailes. Des ailes qui se referment sur moi, et m'enveloppe tout entier lorsqu'elle m'escalade et s'assied sur mes cuisses. Les dernières choses dont j'ai conscience avant de sombrer dans l'océan de ses caresses sont ses deux seins nus à quelques centimètres de mes lèvres. De longs, très longs moments après, nue dans mes bras, elle ne gémit plus, elle ronronne. Elle s'est couchée directement sur ma poitrine, posant la tête au creux de mon épaule. Je ne sais combien de temps nous allons rester ainsi encore unis l'un à l'autre, sans dire un mot, n'écoutant que le battement de nos cœurs et nos respirations qui lentement s'apaisent. Dans la semi-torpeur où je baigne, j'arrive encore à me souvenir qu'elle m'avait prévenu. Les mathématiques sont pour elle un puissant aphrodisiaque. Il faudra que je le lui confirme. Je crois qu'elle a autant de mal que moi à renouer avec la gravité terrestre, mais sa position dominante lui donne un avantage, elle est la première à bouger. Alors que je pèse encore des tonnes, toute légèreté retrouvée, elle me donne un petit bisou, se lève prestement et me tend la main. « Allez, viens, tu ne vas pas dormir ici. » Un à un, je parviens à mettre les pieds par terre. J'ai manifestement un peu de mal à retrouver mes marques. Elle s'apprêtait à remettre son peignoir, mais après un regard malicieux, elle se ravise et le vêtement à la main se retourne et s'éloigne vers la chambre d'une démarche très étudiée. Pour le coup, je me sens totalement reboosté. Éteignant le changeur au passage et raflant mes vêtements qui jonchent le sol autour du canapé, je lui emboîte le pas. Elle ne se retourne pas et lance par-dessus son épaule. Il faut bien que mes pulsions exhibitionnistes servent à quelque chose. Je savais que ça allait te remettre sur pied. Je te le confirme, tes fesses sont magnifiques. Nous arrivons dans la chambre. Je dépose mes vêtements sur un fauteuil et demande « Te souviens-tu à quand remontent ces pulsions ?» Elle file dans la douche avec un petit rire. Au lycée, la plupart des garçons m'appelaient Tease, allumeuse, parce que je m'arrangeais pour que ma jupe remonte quand j'étais assise ou pour que le premier bouton de mon corsage soit défait. Ils se plaignaient que je les allume sans même leur accorder le moindre baiser. Je la rejoins et mets autant de soin à sa toilette qu'elle à la mienne. Je lui sèche le dos. De ce que j'ai pu en juger, ces pulsions n'ont pas disparu avec les années. C'est à son tour de me frotter le dos. En fait, comme la majorité des femmes, j'adore que l'on me regarde, mais ça c'est de la simple coquetterie. Ce n'est qu'à partir du moment où c'est sexuel que ça devient de l'exhibitionnisme. Je la prends par la main et l'entraîne vers le lit. c'est parce que tu as un corps magnifique et que tu peux tout montrer. Peu de femmes oseraient les maillots que je t'ai vu porter à Miami. » Elle se glisse sous les draps. « Merci pour le compliment. Je sais que je suis mieux faite que d'autres, mais encore une fois, ce n'est que de la simple coquetterie. » Je caresse ses hanches, sa peau est si douce. « À quel moment cela devient-il sexuel pour toi ?» Elle suit du bout des doigts le contour de mes lèvres, lorsque j'ai envie qu'on regarde mon sexe. Ce qui, en général, est déclenché par une période d'abstinence ou une situation particulière. À bien y réfléchir d'ailleurs, l'une entraîne automatiquement l'autre. Qu'appelles-tu une situation particulière ? Le doigt qui suivait le contour de mes lèvres suit maintenant celui de ma barbe. J'ai des dizaines d'exemples, mais pour n'en citer qu'un, j'évoquerai celui du Blue Velvet. Lorsque j'étais intéressé par un homme, je m'arrangeais pour m'éclipser un instant et enlever mon string. Lorsque je le rejoignais, je m'asseyais de telle façon qu'il n'ait aucun doute sur le fait que je n'avais plus de culotte. Avec une mini-jupe ou une mini-robe, c'était absolument imparable. En général, moins de 5 minutes après, nous passions le rideau bleu. Ça, c'est de l'exhibitionnisme. Ma main passe de ses hanches à ses seins. Et tu reproduis ce scénario avec Mike. Ses yeux s'agrandissent, le bleu de ses iris pétille de 1000 paillettes. Non, pas exactement. Cette fois-là, et je m'en souviens très bien, j'avais déjà enlevé mon string dans la limousine et l'avais mis dans ma pochette avant d'aller m'installer au bar. Tu comprends ? J'étais vraiment en manque. Un planning professionnel délirant pendant un mois avant mon départ pour préparer ma mission. Des soirées entières, le nez dans mes dossiers, et donc une longue, trop longue abstinence. J'étais plus que survolté, et il fallait à tout prix que je consomme. J'étais tellement en manque que j'ai sauté sur le premier homme avec qui j'ai engagé la conversation. Ça aurait vraiment pu être n'importe qui. Et j'ai eu de la chance, c'était Mike, un homme séduisant et cultivé. Je m'attendais à son sourire spécial fossette. La moue est d'autant plus inattendue. Je demande, un regret ? Regard en coin mi-ange, mi-démon. Oui, et tu sais bien lequel. Je repense à ce qui s'est passé quand je suis retourné voir Mike. Je suis certaine que si tu étais resté au bar au lieu de retourner à la voiture, la suite aurait été très différente. Puis, sourcils froncés sur un ton péremptoire, mais ce n'est que partie remise. Elle a comme une hésitation. Enfin, j'espère qu'il acceptera mon invitation. Sa voix s'est cassée sur les derniers mots. Elle a du mal à poursuivre. Mon Dieu, n'importe qui m'entendrait me prendrait pour une malade. Les gens normaux ne comprendraient pas comment je peux parler comme ça d'un autre homme, alors que je suis dans les bras de celui que j'aime comme une folle. Ma main abandonne ses seins pour caresser son ventre et entamer une incursion plus indiscrète. C'est toi-même qui m'as expliqué que ça s'appelait la compersion. En fait, ce n'est pas seulement toi, c'est nous deux qui en avons envie. Elle se fait toute chatte. Je crois bien qu'elle ronronne. Puis, sans transition, avec un regard de braise, je me demande ce qui serait préférable. Un très bon restaurant, et ensuite improviser, en fonction du ressenti ou... Comme pour mieux réfléchir, elle appuie l'extrémité de son index sur le bout de son nez, ce qui est censé lui donner l'air sérieux. Oui. Ou alors organiser un dîner au saphir. La table est excellente, on peut y danser, mais nous serions sur place pour une suite éventuelle. À décrypter le ton de sa voix lorsqu'elle a une façon très particulière de moduler lorsqu'elle entre en phase éruptive, et malgré ses mimiques qu'elle voudrait innocentes, je sais qu'elle a autre chose derrière la tête. Je n'ai guère à attendre. Elle se mordit les lèvres et... Tout compte fait, je crois avoir une bien meilleure idée. Un apéritif dînatoire, au champagne, à la maison. Qu'en penses-tu ? À la maison, ce serait quand même plus intime, non ? Ainsi s'achève Les Deux Mondes, livre deuxième de La Prophétie de Doug Lanrine.